Portrait d'assaut sur Fadjet. Dans Portrait d'assaut aujourd'hui, une découverte de un nid pour naître. C'est la maison de naissance à Nancy. Et pour nous en parler, nous accueillons Charlotte Jacot. Bonjour. Bonjour. Présidente donc de un nid pour naître. Et en studio, nous avons aussi bien sûr Bérénice. Bonjour. Bonjour Bérénice, qui n'hésitera pas à intervenir dès qu'il y a la moindre question. Un nid pour naître, une création en 2015. Alors c'est quoi une maison de naissance déjà? Alors une maison de naissance, c'est un lieu alternatif qui permet en fait aux parents qui ont un souhait d'accouchement physiologique, naturel, vous dites ça comme vous voulez, et dont le dossier médical le permet, d'accoucher de façon un peu cocooning, un peu différente. C'est un lieu qui est tenu par des sages-femmes, qui est à proximité immédiate d'une maternité pour le côté sécurité. Et donc voilà, c'est une nouvelle façon d'accoucher dans le paysage de la périnatalité français. Il y en a beaucoup en France déjà? Alors, je ne suis pas à jour des chiffres, je dois dire, mais au départ, quand l'expérimentation a été lancée, on avait 9 projets qui avaient été validés, dont 8 qui ont vu le jour. Il y a des nouveaux projets qui émergent constamment hein, au niveau national, maintenant que le dispositif est pérennisé. Après, c'est un cahier des charges assez dense quand même pour monter un nouveau projet, donc voilà. La maison de naissance qui est portée par l'association Un nid pour naître, dont vous êtes la présidente aujourd'hui. Comment a été créée justement cette association? Qui était à l'origine de l'association Un nid pour naître? Eh bien, des sages-femmes et des parents, donc des sages-femmes qui avaient la volonté de proposer un accompagnement un peu différent et des naissances un petit peu différentes de ce qu'elles pratiquaient à la maternité. Et puis des parents aussi qui étaient mus par la volonté de vivre la naissance de leur enfant, l'accompagnement de la grossesse et puis la suite du postpartum, hein, les quelques jours après l'arrivée du bébé, un peu différemment. Donc en fait, c'est par la volonté et je dirais le militantisme hein, de ces hommes et ces femmes que les projets sont nés. L'assaut au départ a été créé comme ça. Et donc, vous avez dit, il y a un cahier des charges très, très précis, hein, ça ne se crée pas comme ça. Ça a non, été bien reçu quand vous êtes arrivé la première fois pour dire, voilà, on voudrait créer cette maison de naissance à Nancy. Oui, on a de la chance, on a un établissement partenaire, donc qui est la maternité régionale, qui a compris hein, le fait qu'il y avait la place pour ce genre de projet et qu'on était dans une démarche de co-construction, en fait. Hein. Donc, c'est une grande chance qu'on a d'avoir un établissement partenaire qui a été soutenant et qui évolue avec nous, qui a grandi avec nous au fur et à mesure de ce projet. Donc, ça, c'est très chouette. Oui, parce qu'effectivement, qui dit naissance physiologique et on va dire côté parent quelque chose de tout doux et tout cocon veut pas dire pas de protocole et pas de sécurité mais en coulisses, voilà. Vous disiez que les méthodes d'accouchement, du coup, c'est des méthodes un peu cocooning. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Eh bien, en fait, alors, on a un grand, grand luxe, c'est qu'on accompagne les femmes avec le modèle qui est beaucoup défendu aujourd'hui. Une femme, une sage-femme, c'est déjà un accompagnement global, donc tout au long de la grossesse, la même sage-femme qui va accompagner les parents tout au long des étapes. Une équipe aussi accompagne les parents dans des préparations à la naissance. Alors, il y a plein de choses. Il y a du yoga, il y a de l'acupuncture, des méthodes aussi de préparation à l'accouchement qu'on a développées en interne. Et puis, le jour de l'accouchement, alors il faudrait venir voir. Hein, je vous invite à venir voir, mais c'est un endroit vraiment chouette. Deux grandes chambres de naissance, des grands lits, une baignoire, de quoi suspendre, des ballons, pour laisser en fait à la femme qui est en train de mettre au monde toute la place pour se poser, positionner comme elle veut, se mettre comme elle veut et du coup accueillir son enfant au mieux, accroupie si elle veut, dans la baignoire si elle veut, voilà. Donc la création de l'association c'est 2015, le commencement de l'activité, les premiers parents, la première naissance, vous vous en souvenez peut-être? Ouais, bien sûr, c'était tout début mai, ça sentait encore la peinture dans les locaux et c'était beaucoup d'émotions en fait parce que c'était l'aboutissement déjà de quelque chose, d'un projet de plusieurs années, de beaucoup de dossiers, de beaucoup de choses à prouver, en tout cas à justifier et c'est parfaitement normal, mais du coup ce premier bébé et tous ceux qu'on suivit à chaque fois c'est la même émotion parce qu'on a, on l'a rêvé cet endroit et donc aujourd'hui on est extrêmement heureux d'y voir les futurs parents devenir parents et les bébés naître, quoi, c'est chouette. Et combien de bébés chaque année maintenant? Ça dépend un petit peu parce que en fait nous on est très liés au nombre de sages-femmes qui exercent pour avoir un accompagnement aussi premium, j'allais dire, que ce qu'on propose, ça veut dire pas trop de femmes suivies par sage-femme qui travaille dans l'équipe, de façon à être sûre qu'on a la disponibilité d'accompagner ces femmes comme on le souhaite. En moyenne, une centaine d'accouchements par an, parfois un peu moins, selon l'équipe. On a une équipe de sage-femmes très jeunes qui font elles-mêmes des bébés, alors c'est très bien, mais ça les rend un peu indisponibles, on comprend. Effectivement, voilà. Vous êtes nombreux, donc, hein, vous êtes la présidente, mais quatre sages-femmes toujours là, présentes? Ouais, alors là, en ce moment, on a quatre. Alors, il y a deux types de sages-femmes en fait qui travaillent à la maison de naissance. Il y a les sages-femmes d'accompagnement global, donc c'est elles qui sont en charge du suivi des patientes, qui vont les suivre mois par mois, etc., et qui seront, on va dire, aux commandes, même si on aime bien dire quand même que c'est la femme qui est aux commandes, mais le jour de l'accouchement. Et notre cahier des charges nous impose la présence d'une deuxième sage-femme lors de la naissance pour des raisons voilà, d'accompagnement, de sécurité, en cas de transfert, si jamais les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Et donc, c'est ce qu'on appelle les sages-femmes de soutien. Aujourd'hui, on a 4 sages-femmes d'accompagnement global et 6 sages-femmes de soutien. Plus, je leur fais un clin d'œil quand même, notre secrétaire Mélantine et notre sage-femme coordinateur, Julien, docteur Julien Simon, qui nous accompagne plus côté protocole, qui ne fait pas de naissance, mais qui nous est aussi extrêmement précieux. Voilà, l'équipe. Plus les parents. Parce que moi, je ne suis pas sage-femme, je ne vous ai pas dit. Je suis juste une maman qui a mis au monde son bébé au nid et qui est donc très attachée à l'endroit. Donc en fait, le conseil d'administration de l'association est composé de 2 sages-femmes et 3 parents. Donc je suis accompagnée au CA d'Émilie et de Juliane. On est toutes les 3, plus 2 sages-femmes, Claire et Isabelle, qui nous aident à, voilà, sur le côté gestion de l'asso. Dans le fonctionnement associatif, bien sûr, il y a des salariés, les sages-femmes. Vous faites partie du conseil d'administration, vous êtes la présidente. Vous avez aussi d'autres bénévoles qui viennent filer un coup de main. Effectivement, on a plusieurs commissions. On a une commission qui s'appelle Soutien et qualité, qui est animée par des parents bénévoles dont pas mal, si ce n'est la majorité, ont une fibre dans le médical ou le paramédical. On sent que c'est des gens qui ont quand même une sensibilité. Cette commission-là, elle existe depuis longtemps, elle a changé de nom, mais l'idée, c'est de proposer aussi des temps d'échange, par exemple, pour les parents qui ont été transférés. Donc, quand l'accouchement s'est pas déroulé totalement au nid, donc on peut être transféré avant, pendant ou après l'accouchement. C'est parfois un petit peu difficilement vécu, c'est un changement de projet donc, pour les parents, donc on leur propose des temps d'échange voilà, pour essayer d'apaiser cette situation qui était inattendue et pas souhaitée. On sollicite cette commission-là pour tout ce qui est mise en place de protocoles. Bien sûr, la maternité nous valide un certain nombre de choses, mais on a toujours aussi interrogé nos patients et nos usagers pour les inclure dans le processus. Donc ça, c'est vraiment la commission soutien et qualité. On a une commission Vioni. Donc là, la Vioni, c'est organiser des événements plus associatifs, plus classiques, des rencontres avec les parents, la galette, Noël, l'anniversaire du nid, enfin, la vie associative, quoi. Voilà, donc, une vraie petite maison. Ouais, c'est ce qu'on a voulu, ouais. Vous organisez très régulièrement des réunions, que ce soit aussi bien pour les parents, pour les conjoints, pour les grands-parents. Alors, vous appelez ça notamment, il y a les blabla apéros, c'est ça. Pour les grands-parents, par exemple, pourquoi justement ces rendez-vous-là pour eux? Ouais, on a plusieurs moments de réunion. De toute façon, le nid, ça se veut un endroit collaboratif, communautaire, un lieu d'échange. Et puis en fait, les blabla apéros, c'est un peu le coin des conjoints et conjointes. Celui qui ne porte pas le bébé et qui parfois peut se sentir un petit peu, alors on les inclut énormément, mais avoir un moment d'échange entre conjoints, ça peut être assez sympa. Les grands-parents, alors on s'est rendu compte que parfois, le projet d'accouchement et de suivi en maison de naissance était reçu un petit peu étrangement par les parents des futurs parents, donc les futurs grands-parents. Et on s'est dit, mais oui, allons aussi leur expliquer comment ça marche, allons leur expliquer que leurs enfants, au moment de devenir eux-mêmes parents, ne font pas un choix bizarre, ils font un choix différent et c'est chouette aussi. Ça vient déconstruire parfois quelques appréhensions. Nos mères, surtout, elles étaient de la génération du début de la péridurale. Donc, elles ne comprennent pas forcément que leur fille en ait pas envie. Par exemple, ça fait partie des sujets. Donc on vient expliquer, discuter, échanger, confronter les idées. C'est toujours chouette. Voilà, ça fait partie du rôle aussi de l'association, d'informer, de changer les mentalités alors. Alors, changer les mentalités, je dirais pas forcément ça, mais en tout cas, laisser la place en tout cas à des besoins différents et à des projets différents de s'exprimer et de pouvoir le faire dans un cadre qu'on veut à la fois le plus sécuritaire, le plus sympathique possible. Donc c'est ça, laisser la place au projet de chacun. Donc si on veut suivre un peu, connaître un peu mieux encore l'association, pourquoi pas vous contacter comment fait-on aujourd'hui? Alors, il y a plein de façons de nous contacter. On est sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a une page Instagram, on a un superbe site internet qui est tout beau, tout neuf. Et puis, on a des permanences à la maison de naissance. Tous les matins, on a Mélantine qui peut vous accueillir au nid. Et on a régulièrement ce qu'on appelle les réunions d'info. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos réseaux. Les réunions d'info où on peut venir découvrir le lieu, l'équipe et puis puis parler de son projet, voilà, et venir échanger avec nous et on vous accueillera avec plaisir. Et une longue vie à l'association Annie pour Naître. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, merci beaucoup. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.